Si les dahlias elles sont assez petites, tu mets un peu de terreau. Tu mets le dahlia. Et après, tu plantes. Et si elle est grande, la tige après, je vais te montrer. Tu veux comme ça. Oui. Tu frotterais quoi. Contre moi, mon garçon. Ouais. Très bien, bah, tu continues. Hein. D'accord. Alors, c'est les grandes plantes, quoi. C'est les grandes, tu les as ici. Hein. Tu t'en mets pas, alors, tu vois, sais le pas. Tu mets après. Il m'en a commandé. Vers le nœud. Une, ah, d'accord. Okay. Alors, voilà ce que je te propose. Si ça ne tombe pas, tu m'en prends.